Qu'est-ce qui se passe, Crabman? Ouf, j'ai bien trop mangé. Tu te sens pas bien, j'imagine? Non, vraiment pas bien. Je pense que j'ai un peu trop mangé. Et en plus, j'avais pas si faim que ça. Mais bon, la prochaine fois, je vais savoir que je suis pas obligé de manger autant. Oh, j'ai mal au ventre en titi. C'est normal, du steak puis des patates. C'est lourd dans l'estomac. Oui, mais c'est tellement bon. J'ai un gros steak dans mon ventre, avec des patates filées. J'ai un gros steak dans mon ventre, avec des petits pois. Le jour, le soir, je ne peux m'empêcher de manger toute mon assiette. Au déjeuner, dîner et souper, je ne laisse pas une seule miette. J'ai un gros steak dans mon ventre, avec des patates filées. J'ai un gros steak dans mon ventre, avec des petits pois. J'ai un appétit plus grand que la terre, mangerai du matin au soir. Miam, miam, miam. La viande, des légumes et du gâteau, je mange tout ce qu'il faut. Vas-y la mouche, c'est à toi. J'ai un caca dans le ventre, avec des morceaux de vomi. J'ai un caca dans le ventre, avec du beurre de pinotte. T'aurais pu laisser faire ça, là. Ben quoi? C'est pas de ma faute? Je suis une mouche? Maintenant que j'ai mangé, je peux aller me promener. Faut digérer. Avec mes amis, on va jouer au hockey après le souper. J'ai un gros steak dans mon ventre, avec des patates pilées. J'ai un gros steak dans mon ventre, avec des petits pois. Le jour, le soir, je ne peux m'empêcher de manger toute mon assiette. Au déjeuner, dîner et souper, je ne laisse pas une seule miette. Dernière fois. J'ai un gros steak dans mon ventre, avec des patates pilées. J'ai un gros steak dans mon ventre, avec des petits pois. J'ai un processeur dans le ventre qui mange de l'électricité. J'ai des microchips dans le ventre qui transmettent l'électricité.